Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. je de la grippe toc, je de la ragrippe toc. Je le prends au porte-manteau, je le décroche, je le reprends. Je me sens mal, je règle promptement l'addition et je m'en vais.